Page 61. Exercice 4. 1. Tous les problèmes sont réglés. Tu n'as plus aucun souci à te faire. 2. Dimanche dernier, Adeline s'est levée à midi. 3. Caroline a passé une très bonne nuit. Elle a très bien dormi. 4. Émile est tellement inquiet pour sa vieille mère qu'il n'arrive même pas à dormir. 5. Tu dormais si profondément que je n'ai pas voulu te réveiller.